dessiné, jouais pas à la marée. J'suis parti du royaume avec la crown dans ma haie. J'ai mis mes deux jambes à la corée. J'suis bien trop sensible pour ce corée. J'ai le regard dur que je mérite pas. J'avais 9 ans, j'voulais déjà me couper le sexe. T'as mis ta main dans mes pourtant tu le sais. La pression baisse depuis que j'ai perdu le ciel. Le cercueil tombe en ressemblant à un berceau. Ici la maman le coup pendu à son cerceau. Oh my god, j'ai refait des nœuds avec ma haine. J'ai bâti au moins 200 casas dans ma brèche. D'année en année, j'enlève les barrières dans ma tête. On était déjà tombé, remets le bail à merde dans ma tête. La vue de la veille demandait pardon. Dans les cordons, dis-moi qui t'es vraiment sans les hommes. Désolé. Fais pas attention à ce que j'en m'homme. Le trou me donne l'impression de gerber. A chacun sa prison de chair. Cher. D'année en année, j'ai perdu foi en l'humanité. Mon ego apprécie la luxure et la vanille. Je voulais en finir avant d'être parasité par la puberté. Le nouveau-né est encore pur de toutes les bavures du monde plastique. Y'a rien de magique, je ne fais qu'imager. J'ai refait des nœuds avec ma haine. Petit, tu faisais qu'imagine. Imagine. J'ai bâti au moins 200 casas dans ma brèche. À cette époque, c'était pas des bons. Dans les flaques, j'faisais des bons. J'perdais mon temps dans le bac. Sans avenir, j'ai fait mes bagages. Oh my god, j'ai refait des nœuds avec ma haine. J'ai bâti au moins 200 casas dans ma brèche.